Voulez-vous écouter Pièces oubliées, une émission de Bernard Zimmer présentée par l'auteur avec le concours de Jacques Morel, René Clermont, Roger Carl, Jean Ozen, Edmond Beauchamp, Gémon Vital et Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie Française, Germaine Montero, Geneviève Morel et Huguette Muller. Réalisation Henri Soubéran. Séduit par la naïveté et l'audace de cette bénédictine bavaroise du Xe siècle, dont nous avons dans les trois précédentes émissions examiné le théâtre édifiant, j'ai oublié une chose importante. Laquelle ? Que Molière a été baptisé à Paris le 15 janvier 1622, voilà 334 ans, juste. Ah, pardon, 334 ans et quelques mois. Oui, enfin, cet anniversaire tardif nous offre encore une assez belle occasion de vous faire entendre une pièce oubliée. Une pièce de Molière ? Non, sur Molière. Ah, bon. Intitulée comment ? Mais Molière. Quelque insupportable à propos, sans doute. Pas du tout, une vraie pièce, un peu rose, mais... Et de qui ? De Goldoni. D'un Italien. Considérable. Né à Venise en 1707, reçu avocat en 1732, abandonnant le barreau, quittant le palais, bref, optant pour la vraie comédie, il s'attache à une troupe de farceurs. Poète à leur suite, vite fameux, fournisseur pendant 30 ans de la scène italienne, mais sur l'âge, ne pouvant trouver dans sa patrie une existence indépendante, la France la lui donne. Et c'est à Paris qu'il écrit en français ses dernières pièces. Dont ce Molière ? Non, il l'écrivit en pleine force. Goldoni fait sien les chagrins de Molière, son modèle, et les peint avec une telle vérité que vous vous croyez transporté dans la maison même du grand homme et que ses faiblesses et ses peines se découvrent à vous comme à un ami. En voulez-vous des exemples ? Merci, nous verrons bien. Vous avez raison. Écoutez d'abord la pièce. La scène est à Paris, chez Molière, dans un salon du rez-de-chaussée. Chapelle, le doux ivrogne, tente de réconforter Molière. Allons, Molière, mon ami de la gaieté ! Comment ? Un auteur comique qui a trop de verre avec de sel ? Un homme qui fait rire tout le monde dans ses comédies sera toujours triste avec ses amis et soucieux dans sa maison. Je voudrais que mes comédies fussent au diable et ma troupe aussi. Là, là, il semble à vous entendre que ce soit un si fâcheux emploi que celui de poète comique. Et cependant, il vous a valu la protection du roi et 1000 livres de pension. Sans les biens qui m'attachent au service d'un si grand prince, j'irai tout à l'heure me faire soldat ou ermite sur une montagne plutôt que de mener plus longtemps la dure vie du théâtre. Mais dites-moi de grâce ce que vous avez. Oh, ne me faites point parler. Par charité, taisez-vous. Le public est un maître exigeant que rien ne contente. Que de déplaisir, que de dégoût il m'a fait éprouver. Et selon vous, est-ce une légère disgrâce que celle qui m'est suscitée aujourd'hui par des ennemis puissants ? Ah, vous voulez parler peut-être de la défense de jouer le Tartuffe ? Oui, monsieur, précisément. Nous étions tous prêts à entrer en scène. La salle était pleine. Le théâtre, même selon la mauvaise coutume de France, regorgeait de spectateurs. Un ordre du roi arrive, défense de jouer la pièce. Mais ce contretemps ne vous l'êtes-vous pas attiré vous-même ? Puisque déjà la pièce avait été suspendue. Le roi depuis voulut la lire. Lui-même l'approuva et en permit la représentation. Malheureusement pour moi, il partit pour la Flandre, et je n'avais de lui qu'une permission verbale. Et j'ai dépêché sur le champ un habile négociateur, et j'attends de moment en moment l'ordre royal expédié en bonne forme. Ils verront, ces ministres qui ne me croient pas sur parole, que c'est faire injure à Molière que de ne pas s'en rapporter à lui. Et les hypocrites qui chantaient victoire n'auront pas longtemps, je l'espère, sujet de triompher. Convenez aussi, mon ami, que vous habillez les cagots de la bonne façon. Oui, parce que ce sont des fourbes qu'il importe de démasquer. Des autres méchants, on peut s'en défendre. Mais d'ennemis invisibles, non. Et croyez-moi, cher ami, c'est une œuvre louable, une œuvre sainte que de dévoiler les intrigues de ces misérables. Oh, j'en suis d'accord, mais je voudrais vous voir gai et sans souci, comme moi. L'homme chargé du lourd fardeau d'amuser les autres ne peut guère s'amuser lui-même. Vous autres, vous ne pensez qu'à vous divertir pour votre compte. Vous avez le privilège de vivre sans inquiétude. Comment sans inquiétude ? J'en ai tous les jours une fort sérieuse, celle de méditer le matin. Quelle partie de plaisir je ferai le soir ? Non, ne plaisantez pas, je parle très sérieusement. Ma foi, mon souci à moi, c'est de vivre. Je ne suis pas un philosophe. Précisément, pour bien vivre, il faut un peu de tempérance. Et je suis un débauché, selon vous. On doit être franc avec ses amis. L'homme que vous étiez le matin, Vous ne l'êtes plus le soir. Vous voulez dire que je bois? Oui, un peu trop. Et le vin inspire la joie? Quelquefois. Et votre lait vous rend hypochondriaque? Faites comme moi, buvez et vive la joie! Du lait, rien que du lait, c'est mêler le blanc et le noir. Je ne m'instruirai pas à votre école. Dis-moi, à la vôtre, je vous en réponds. S'enivrer, fille. Dites-moi, mon ami, lequel de nous deux va au lit le plus gaiement? Vous n'y allez pas, vous, on vous y porte. Oh, oh, la philosophie m'a desséché le palais. Je sens que votre morale m'altère. Voulez-vous une tasse de thé avec du lait? Je vous remercie. J'aime mieux une bouteille de vin de Bourgogne ou de... À l'heure qu'il est. Je ne bois pas, comme vous autres le croyez, à des heures réglées. Je bois quand j'ai soif. Si vous étiez un galant homme, un véritable ami, vous me feriez apporter cela sur le champ. Volontiers. Allez de ma part trouver la Béjart et faites-vous donner le vin que vous aimerez le mieux. Ah, j'entends. C'est la Béjart qui est votre intendante. C'est une brave personne, une actrice qui n'est pas sans talent. Il y a plusieurs années que nous vivons ensemble d'un bon accord. Elle soigne fort bien mon petit ménage. À propos de cela, on me dit un jour que c'était à cause d'elle que vous vous étiez fait comédien. Sorneux. Et toi, fripon, tu aimes les femmes? Ah, autant que vous aimez le vin. Ah, vous savez que le vin ne peut jamais me nuire autant que les femmes, quelquefois, nuisent aux hommes. Voici la fille de la Béjart. Ami, et que vous conseille l'occasion? La fille et la mère, c'est le même sang. Finissez, vous êtes fou. Vous allez voir que j'aurai scandalisé ce poète comique. Dis ce que tu voudras, le monde est persuadé que tu joues les mêmes rôles dans ta maison qu'au théâtre. Un peu de raison, extravagant que vous êtes, un peu de raison si vous pouvez. Vois si j'ai de la raison. Je sors pour ne pas vous gêner. Adieu. Mais où allez-vous? Boire ma bouteille et occuper la mère pendant que tu causeras avec la fille. L'heureux naturel. C'est dommage qu'il soit gâté par le vin. Combien je l'aimerais mieux s'il buvait moins. Mais voici celle que j'aime. Elle seule peut éclaircir les nuages de mes sombres idées. Sa vue a le pouvoir de me consoler de toutes mes peines. Puis-je entrer? Sans doute. Les genoux me tremblent. Mais pourquoi? Ma mère me suit, elle est sur mes talons. Croyez-vous qu'elle s'aperçoive de mon amour? Oh, non, pas du vôtre, mais du mien. Oh, pourquoi de l'un plutôt que de l'autre? Parce que ces deux amours-là ne se ressemblent pas. Parce que je vous aime 100 fois plus que vous ne m'aimez. Une passion comme la vôtre se cache facilement. Ah, petite méchante, le ciel me confonde si je vous crois. Mais enfin, vous voyez mon amour. Où sont les preuves du vôtre? Je vous aime assez pour venir vous trouver au risque d'être battue. Si vous étiez venu à moi, je n'aurais pas eu besoin d'aller à vous. Combien de fois j'irais auprès de vous goûter le bonheur si je ne craignais d'irriter votre mère? Mais s'il est vrai que vous m'aimiez, pourquoi me donner tout ce trouble d'esprit? Tirez-moi de peine en m'épousant. Juste Dieu, si votre mère se doutait seulement de notre intelligence, toute la maison serait en feu et elle serait femme à nous égorger. Elle ne veut pas entendre... Ah oui, oui, oui, je sais tout. Que voulez-vous dire? Que ma discrète mère a des prétentions sur votre cœur et voilà pourquoi plus je vous aime, plus je suis malheureuse. Voilà pourquoi je serai bientôt dédaignée, abandonnée peut-être. Que votre mère change de visée. Je ne serai pas assez fou pour sacrifier la jeune à la vieille. C'est une maîtresse femme que ma mère. Ah, malicieuse que vous êtes, petits yeux fripons. Je vous ai aimé dès le berceau. Je vous ai vu naître et embellir. Vous m'avez vu naître, au ciel. Je ne voudrais pas que ce fût là un obstacle à notre mariage. Vous me faites rire. Ce rire me déplaît. Rassurez-vous, chère Armande. Je n'aurai d'épouse que vous. Ciel, j'entends ma mère. Faut user de ruse. Auriez-vous là quelques rôles? Oui, voilà celui de Marianne. Bien, dans le Tartuffe. Allons vite. Acte 2, Orgon et Marianne. Marianne! Mon père? Approchez, j'ai de quoi vous parler en secret. J'ai, Marianne, en vous reconnu de tout temps un esprit assez doux, et de tout temps aussi, vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. Elle nous écoute. Je crois qu'elle a des soupçons. Que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Avez-vous des secrets que je ne dois pas savoir? Avec votre permission, nous répétions la scène entre Orgon et Marianne. Vous ne vous avez pas vu. La réplique est ici. La curiosité qui vous presse est Orgon qui parle. Mais quel besoin de répéter une pièce défendue? Revienne seulement notre camarade baron et vous verrez si la défense ne sera pas levée. Celui que j'ai chargé d'aller se jeter aux pieds du monarque pour obtenir cette grâce, et vous le savez, un jeune homme charmant, un acteur parfait. Et vous, mademoiselle, qui vous a permis de venir ici répéter vos rôles avec Molière? Et votre fille est une fille honnête. Jamais, ma mère, je ne me suis montrée à lui différemment. Laissez-nous, petite effrontée. Ah, je sais, de mes mots, l'infaillible remède. Comment, que dites-vous? Je répète mon rôle. Sous cet air doux et simple, il y a bien de la ruse de cacher. Vous repasserez vos rôles avec moi. Ce que Molière m'apprend, vous ne pourriez me l'apprendre. Entendez-vous, l'insolente? Pardon, madame, mais pourquoi m'enlever la gloire d'être son maître? Mon Dieu, l'homme de bien. Elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air et je vous connais tous deux. En vérité, je ne comprends pas. Je vais me faire comprendre. Vous regardez, selon moi, ma fille avec trop de tendresse. Mais je l'aimais dès le berceau. Soit, mais autre temps, autre soin. Sans doute, alors je l'embrassais sans conséquence. Aujourd'hui, cela ne se pourrait plus. Voilà toute la différence, je crois. Allons, allons. Si vous l'aimez, n'en faites pas un secret à sa mère. Je n'ose lui faire ma confidence. Je l'aime comme un père. S'il est vrai que vous l'aimez comme un père, ne rejetez donc pas l'occasion de lui assurer un sort. Est-ce que vous voulez la marier? Elle est encore trop jeune. Mais point du tout, elle est dans l'âge parfait pour le mariage. Et que puis-je faire pour elle? Vous voulez lui servir de père, n'est-ce pas? C'est mon plus cher désir. Eh bien, épousez la mère. C'est-à-dire vous? Apparemment. Me croyez-vous indigne de recevoir de vous le titre d'épouse? Madame, en vérité, vous méritez certainement... Trouvez-vous quelque chose à reprendre à ma conduite? Je vous estime et je vous ai toujours estimé. Quant à l'âge, je crois... Oh non, ne parlons pas de ça. Je ne manque pas de talent dans ma profession. Je le sais, je suis le premier à vous rendre justice. C'est la meilleure dot qu'une femme puisse apporter à un comédien. Oh, la dot serait au-dessus de ce que je mérite. Pourquoi ne pas dire oui tout bonnement? Madame, à vous dire vrai, le mariage m'effraie un peu. Pourquoi? Parce que je suis jaloux à la rage. Je ne crois pas que vous ayez en tête une telle folie. Mais si cela était, si vous laissiez jamais le cruel serpent de la jalousie déchirer votre sein, une femme qui ne serait plus jeune vous causerait moins de craintes et de tourments. Mais au contraire, les ruses des femmes croissent avec les années. En vieillissant, elles deviennent plus artificieuses et non plus sages. Ah, Molière, ce discours n'est pas digne de vous. Mais laissez-moi rire un instant. Je n'ai que des jours pleins d'amertume, et quand parfois je trouve une plaisanterie innocente, je ris. Et c'est un bon moment de passer. Je suis charmée de vous voir gai, de voir votre front s'éclaircir. Oh, mon cher baron, venez que je vous embrasse. Eh bien, quelle nouvelle m'apportez-vous? Voici l'ordre du roi qui révoque et annule la défense. Oh, que je suis heureux. Oh là, quelqu'un! Monsieur? Qu'on affiche pour ce soir le Tartuffe. Allez, vous, madame, un petit coup d'œil au rôle, repassez le vôtre et faites répéter votre fille. Mais oui, mais oui. Mon cher baron, racontez-moi comment la chose s'est passée. Le roi, avec une bonté parfaite, a reçu la requête et fait expédier l'ordre. Oui. Il m'a dit ensuite de sa propre bouche qu'il ne haïssait rien tant que l'hypocrisie, que sa volonté souveraine était que les vils imposteurs se reconnussent eux-mêmes dans la peinture de leur scélératesse, que leur fourberie fût mise au grand jour et que l'auteur courageux qui les démasque reçut les applaudissements qui lui sont dus. Oh, cet ordre, mon cher ami, me fait un plaisir extrême. Le court triomphe de mes ennemis est à son terme. Courage, Molière, courage! Eh oui, courage, sans doute. Mais je m'afflige de voir la mobile inconstance du public. Le public, vous le savez, est un grand corps dont tous les membres ne peuvent pas être parfaits. Allons voir quel effet aura produit notre affiche sur la tourbe des dévots et savoir ce qu'en disent les tartuffes jaseurs. Vous verrez que tout le monde attend impatiemment cette comédie. Oh, quel doux plaisir, mon ami, que celui de la vengeance. Enfin, j'entends d'une vengeance qui ne blesse point l'équité et qui profite au bien public en même temps que nos intérêts particuliers. C'est la seule que je veuille connaître. Mes seules armes sont l'honneur et la vérité. Jusqu'ici, tous les personnages de la comédie de Goldoni nous sont connus. Molière, l'abbé Jarre, Armande, le comédien Baron, Chapelle, etc. Un personnage nouveau va entrer dans la danse. Son nom nous est étranger. Il s'appelle Monsieur Pirlon. Qui est Monsieur Pirlon? Golden y a écrit simplement Monsieur Pirlon, hypocrite. Voici, au début de l'acte 2, ce Monsieur Pirlon qui surprend la servante de Molière, La Forêt. Baron qui les voit venir se dissimule de manière à observer tout le manège. Y a-t-il personne ici? Votre servante, Monsieur Pirlon. Qui cherchez-vous? Qui demandez-vous? Où est votre maître? Il est sorti. Ah, pauvre malheureux. Grand Dieu, que lui est-il arrivé? Molière est un homme perdu. Parlez, de quoi s'agit-il? J'ai vu cette fatale affiche qui deviendra la cause de Sermine. Et la charité me fait accourir pour l'avertir du mal qui arrivera s'il n'y porte un prompt remède. Mais si sa comédie n'attaque que les hypocrites, est-ce que cette maudite race trouvera encore des défenseurs? Ah, La Forêt, vous ne savez rien. Ces artifices d'un méchant échappent à une fille simple comme vous. Tout en ayant l'air de n'attaquer que l'imposture, c'est en effet aux hommes de bien qu'il en veut. Il jette du louche sur les meilleures actions. Et les plus sages, les plus pieuses, ne sont pas hors de ses atteintes. Un saint personnage se fait-il directeur d'une jeune fille? En croire ce libertin, il lui donne des leçons d'amour. Celui qui va de maison en maison semer dévotement d'utiles conseils n'y va que pour séduire les femmes et pour corrompre les enfants. Secourir les malheureux, les assister de ses devoirs, devient un acte d'avarice et de calcul intéressé. Il confond les bons et les méchants, ébranle la foi des âmes pieuses, et le peuple ignorant qui l'écoute croit bonnement tout ce qu'il dit. Au surplus, je ne juge rien par moi-même, je n'en parle que par zèle. Que la raison l'éclaire et que le ciel le bénisse. Mais que pensez-vous donc qu'il puisse lui arriver de mal s'il ne profite pas à temps de votre avis généreux? Il se prévaut d'une permission, ou fausse, ou au moins surprise, et c'est une audace qu'il paiera de sa tête. Les pauvres innocents qui ont affaire à lui seront châtiés par ses fautes. Moi, monsieur, je souffrirai de tout cela? Je suis sa servante à la bonne heure, mais innocente de tout. Ce n'est jamais sans grand péril qu'on reste au service d'un méchant. Vous me jetez là un grand trouble dans l'esprit. J'ai cependant regret. Monsieur me donnait de bons gages. Ne craignez rien, le ciel protège les bonnes âmes. Si vous sortez d'ici, je vous trouverai une maison. Je gagne 6 écus par mois. Vous aurez les 6 écus. Et nourri. Vous serez nourri, c'est juste. Mais quel sera ce nouveau maître? Je voudrais le connaître. N'en dites rien. C'est moi. Je suis seul dans ma maison où personne ne m'observe. Avec le temps, vous deviendrez plus maîtresse que servante. Vous aurez les clés du pain, du vin, de l'argent même. Et du moins, vous vivrez chez moi plus convenablement. Le bel honneur pour vous de servir des gens de théâtre, gens oisifs et misérables. Avec moi, du moins, vous direz, je suis au service d'un négociant riche, homme de considération, de crédit et surtout d'argent comptant. Ce dernier article me plaît fort. Eh bien, que résolvez-vous? Monsieur, c'est tout résolu. J'irai chez vous si vous voulez. Au fait, je suis lasse de servir des femmes acariâtres qui ne font que quereller dès qu'elles ont les yeux ouverts et un maître qui se met en colère à propos de rien et qui fait trembler tout son monde quand quelque chose lui trotte dans la cervelle. Voilà donc notre homme de bien qui se fait le précepteur des autres et qui lui-même ne sait pas réprimer sa colère. Or ça, dites-moi, en confidence, comment Molière vit-il avec ces deux femmes? Ma foi, il en compte à toutes les deux. Oh, le réprouvé de comédien. Et avec vous, mon enfant, cet homme audacieux n'a-t-il jamais voulu prendre de privauté? Par-ci, par-là, quelques petites badineries. Oh, fuyez, fuyez, vite! Venez chez moi, retrouvez votre honneur! Mais dites-moi, ne pourrais-je pas, pour le salut de leurs âmes, adresser quelques mots à ces deux malheureuses créatures qui se perdent ici? La mère est à sa toilette, à s'attifer et à consulter son miroir. La malheureuse, je parlerai à sa fille. Je vais vous l'envoyer! Demain, je suis à vous! Si le ciel le permet, nous vivrons tous deux en bonne intelligence. Allez, allez! Ah, Molière nous traduit sur la scène. Il nous traite sans pitié. Et nous resterions les bras croisés à recevoir ses coups? Sa langue maudite nous ôte à la fois l'honneur et la paix. Et la nature elle-même nous aiguillonne à nous venger. Si le métier de cet homme vil est de vivre de poésie, le nôtre, à nous, pauvres bonnes gens, est de vivre doucement, de dévotion. Je sèmerai la discorde entre ces femmes et lui. Je mettrai tout en œuvre pour qu'elle le quitte. Et s'il sort favorise mon dessein, Tartuffe, l'infâme pièce, j'en réponds, ne sera pas jouée aujourd'hui. Qui me demande? Le ciel vous souhaite en aide, ma belle enfant. Pardonnez, je vous prie, à la hardiesse de mon zèle qui m'attire auprès de vous, pour votre bien. Et veuille le ciel compatissant donner à mes discours le pouvoir de vous éclairer. Vous me surprenez, monsieur, qu'avez-vous à me dire? Dépêchons-nous, avant que Molière vienne nous interrompre. Ma fille, vous êtes belle, vous êtes jeune, mais vous êtes poussée par le démon dans une carrière infernale. Chacun gémit de vous voir, pleine de grâce et d'attrait, prostituer votre honneur sur un théâtre. Quel meurtre, hélas, quel meurtre que ce charmant visage soit exposé aux ris et aux brocards d'une volage multitude. N'est-ce pas grand dommage que celle qui pourrait rendre heureux un gentilhomme se voit sur la scène à la suite d'un Molière? Mais ce qu'il y a de plus affreux, on murmure, et l'on dit que vous êtes ici deux rivales, la mère et la fille, et que ce ridicule et infâme charlatan vous instruit, malheureuse, dans plus d'un art à la fois. Vous m'étonnez, monsieur. Je suis une honnête fille, Molière est un homme de bien qui ne me donne point de mauvais conseils. Il ne suffit pas, ma fille, de pouvoir se dire à soi-même « je n'ai rien à me reprocher ». Il faut encore réparer le scandale que l'on cause. Parlez-moi en confidence. Mais songez à ne point mentir. Vous vous tromperiez vous-même en me trompant. Le ciel, qui voit toutes choses, m'inspire et m'envoie à vous. C'est lui qui vous interroge par ma bouche et qui vous demande « Avez-vous pour Molière quelque tendresse dans le cœur ?» Oui, monsieur, j'ai de l'affection pour lui. Bien, bien, bien. Continuez. Quelle sorte d'affection ? Il m'a donné sa parole de m'épouser. Votre mère y consent-elle ? Ma mère n'en sait rien. Vous paraît-il qu'un tel attachement convienne à une jeune personne ? Une fille honnête ne s'engage qu'avec le consentement de son père ou de sa mère. Pourquoi ne pas me charger de dire... Oh, pourquoi ? Pourquoi ? J'ai mes raisons. Ne craignez rien, mon enfant, mon zèle vous est connu. Et ma mère aussi m'est connue, hélas. Allons, allons, parlez. Elle aussi aime Molière. Comment Dieu ? Oh, je suis anéanti. Séducteur perfide, homme sans mœurs. Et le ciel ne te punit pas, ne te foudroie pas à l'instant. Oh, fuyez, ma fille, fuyez un tel homme avant que sa perversité vous fasse un plus grand tort. Mais comment pourrais-je m'éloigner de Molière, pauvre fille que je suis ? J'ai besoin d'un soutien, d'un mari. Je vous en trouverai un. Je vous trouverai une dot. Je vous confierai en attendant à des dames pieuses et bienveillantes. Je connais un jeune gentilhomme qui soupire pour vous et qui voudrait vous épouser. Mais il est arrêté par l'horrible métier que vous faites. Mais si vous quittez le théâtre et montrez du repentir, l'amant qui vous adore sera satisfait. Réfléchissez bien sérieusement avant d'abandonner la fortune que Dieu vous présente. Et le pauvre Molière ? Regrets inutiles. Charité bien ordonnée, ma fille, commence par nous-mêmes. Hélas ! Allons, du courage, mon enfant. Je vous promets un jeune et brillant époux. Consentez seulement à ne pas paraître aujourd'hui sur la scène. Sauf à y remonter demain si je ne vous dis pas la vérité. Monsieur, je ne mérite point de devenir l'épouse d'un gentilhomme. Je suis fille de comédien et n'ai appris d'autre art que ce bel art de la comédie dont je n'ai entendu dire de mal qu'à vous. Je le crois, si vous vous en rapportez à vos adulateurs qui donnent aux fautes le nom de vertu. Mais moi qui suis vrai et dont l'habitude n'est pas de flatter, je soutiens que le théâtre est l'écueil de l'innocence. Voici ma mère, par pitié, monsieur, ne lui révélez point ce que je vous ai avoué. Soyez tranquille, j'ai su garder de plus grands secrets. En vérité, ma fille, vous vivez sans gêne. Rien ne vous plaît moins que de rester dans votre appartement. Madame... Pardonnez-lui, c'est moi qui suis coupable. Mais mademoiselle peut sans danger s'entretenir avec moi. Vous me connaissez. Si je l'avais trouvée avec d'autres qu'avec vous, elle aurait eu affaire à moi. Petite effrontée. Elle a déjà été corrigée ce matin. Allez repasser votre rôle de Marianne. Au nom du ciel, monsieur, ne me trahissez pas. Quel sot discours vous tenez cette petite créature. Je viens de la questionner pour son intérêt et pour le vôtre. Et j'ai découvert des choses que vous ignorez sans doute. Madame, il est temps de préparer une dot à votre fille. Quoi ? Veut-elle la marier ? Elle en veut un, et l'a trouvé. Quel est-il ? Molière. Molière ? Oh, le scélérat ! Mais il y a quelque chose de pire. Vous me faites frémir. Il veut l'épouser ce soir même. Comment ? Il médite de l'enlever sur le théâtre. Et après la comédie qui lui tient à cœur, comme vous pouvez croire, un carrosse les attend et ils s'enfuiront ensemble. Oh, traître ! J'ai reçu à temps cet avis. J'ai réprimandé Armande et le mal est en partie réparé. Cependant, je vous conseille de ne pas l'emmener jouer aujourd'hui. Les séductions et l'enlèvement pourraient prévaloir sur mes conseils. Restez avec elle à la maison. Donnez à entendre que vous savez quelque chose. Molière peut, s'il lui plaît, aller faire seul le bouffon. Oh, je vous réponds bien que ni ma fille ni moi ne paraîtrons ce soir sur le théâtre. Je rends grâce au ciel et à vous de m'avoir averti. Je suis trahi, assassiné par un perfide. Je vous laisse, car si Molière survenait, il dirait que cette bonne œuvre est pure hypocrisie. S'il sait que c'est moi qui suis venu découvrir son secret, ah Dieu, quel torrent d'injures va s'échapper de sa langue effrénée. Cependant, le ciel m'est témoin que je ne suis conduite ici que par le zèle et la charité. Qu'il arrive de moi et de ma réputation ce que le sort voudra. Pour être utile à mon prochain, je braverai la mort. Ah, traître Molière, fille trompeuse et scélérate. La forêt, madame, fais-toi venir Armand. Je m'étais bien aperçu qu'il l'aimait, l'indigne. Mais je ne croyais pas que les choses en fussent arrivées à ce point. Et avec moi, il badine et fait le jaloux, et tout cela à tromperie. Oh, fourbe de comédien! Approchez, charmante personne! J'ai deux mots à vous dire. Répondez! Prétendez-vous donc vous jouer de moi impudente? Savez-vous qui je suis? Oh, madame, j'implore mon pardon! Levez-vous! Je ne me lèverai pas tant que je vous verrai en colère. Levez-vous, vous dis-je! Ma mère! Malheureuse! Je ne sais ce qui me tient que je ne t'applique un soufflet! Qu'a-t-elle donc fait, madame? Ce qu'elle a fait? L'amour avec Molière! C'est assez là le passe-temps des jeunes filles. L'indigne créature! Elle était toute prête à l'épouser! Écoutez donc, la petite est d'âge à sentir la démangeaison. Pécore que tu es, serais-tu donc fille à la soutenir? Dame, je compatis. Mais chut! Voici monsieur! Qu'ils frémissent les audacieux, qu'ils s'écument de colère! C'est au théâtre que je les attends ce soir. Mesdames, je me recommande à vous. L'honneur d'un pauvre auteur est dans vos mains selon que vous jouerez bien ou mal. Armande a la migraine, ne comptez pas sur elle. Allez vous mettre au lit, mademoiselle. Mais qu'entends-je vous m'assassiner? Au nom du ciel, ma chère petite enfant. Je vous dis qu'elle ne jouera pas. Partez donc, mademoiselle. Malheureuse. Oh ciel, qu'est-il donc arrivé? Que peut avoir la petite Armande? Mais si elle ne joue pas ce soir, je suis un homme perdu. On dira que le Tartuffe est défendu pour la seconde fois, que l'ordre était faux, que je suis un imposteur. Mon intérêt, madame, n'est-il pas le vôtre? Armande ne joue pas et moi, je ne veux pas jouer. Comment? Mais quel est donc ce langage? Ne vous souvient-il plus de votre engagement? Vous êtes une folle! Et vous, un monstre! La forêt, mais d'où lui vient cette étrange colère? Monsieur, je vous prie de me donner mon compte. Que dis-tu? Oui, mon compte pour m'en aller. Tu veux me quitter sans sujet? Non, dis-moi la vérité ou tu ne sortiras pas. Ma foi, je n'ai pas fait vœu de rester fille éternellement. Je veux me marier, je m'ennuie de mon état. Je ne veux plus servir. Votre très humble, monsieur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Trois femmes liguées ensemble contre moi, mais que leur ai-je fait? T'as juré de me rendre fou? Et Armande qui m'aime, ou qui du moins a l'air de m'aimer, conspire ma perte avec sa cruelle mère. Mais les affreux chagrins de mon amour méprisé cèdent au péril imminent de mon honneur compromis. Ah, maudit soit le jour où je me fis comédien. Mieux valait 100 fois rester tapissier comme mon père. Mon oncle, en m'enlevant à ma boutique pour me jeter dans cette carrière fatale, a donné la mort à mes parents et condamné ma propre perte. J'ai étudié, il est vrai. Mais à quoi m'ont servi ces malheureuses études, si après avoir suivi quelques instants le barreau, j'ai cédé aux démons d'une profession attrayante? Voilà donc le prix de mes travaux. Le caprice de deux femmes m'expose à être déshonoré. M'être donné bien de la peine à composer un pareil ouvrage, obtenir l'ordre royal de le faire représenter, dire partout, faire circuler dans les rues et sur les places que ces choses faites, tout cela de folles vont le rendre inutile. Et je serai assez sot pour garder un métier où il y a tant de risques à courir et si peu d'avantages à espérer. Molière! Toutes les loges sont prises. Le parterre, l'amphithéâtre, tout est plein. Le public joyeux et impatient appelle à grands cris le Tartuffe. Je voudrais voir le théâtre et la salle brûlée et les acteurs et actrices au fond de l'enfer. Bien obligé. Et l'auteur, où l'envoyez-vous? Divertir Pluton au milieu des damnés. Mais vous parlez là en homme au désespoir. C'est que je suis au désespoir, en effet. Mon Dieu, mais qu'est-il donc survenu? La Béjart Courroucée, je ne sais pourquoi, dispose d'elle-même et de sa fille au mépris de son engagement et me soutient en face qu'elles ne mettront pas le pied sur la scène. Je lui demande la raison de cette bizarrerie. Elle m'injurie et s'en va. Connaissez l'orgueil révoltant de ces dames. Comme si j'avais le temps d'entrer en pointillerie avec elles. Comment? Il sera au pouvoir de deux bégueules de ruiner notre société? Vos ennemis ne nous ont déjà fait que trop de mal. Je vais voir ces dames, et tous nos camarades se réuniront à moi pour empêcher ce dommage. Elles joueront, Molière, soyez-en sûrs. J'emploierai s'il le faut jusqu'à la menace auprès de ces péronnelles. Alors, allons, j'espère que les efforts de Baron parviendront à conjurer cet orage. Mais comment la mère et la fille ont-elles changé en un moment? Et jusqu'à la servante? Il faut que quelque mauvais génie ait soufflé sur elles, que quelque artisan de discorde les empoisonne de ses conseils et les repousse de moi. Mais gare à lui si je le découvre. Il se souviendra de moi, j'en réponds. Acte 3. Voici Baron de retour. Il a l'air joyeux. Il m'apporte, je l'espère, quelques bonnes nouvelles. Eh bien, Baron! Allons, allons, ça ne sera rien. La mère est toujours dans ses furies, la fille se désole, mais elles joueront. Elles feront leur devoir. Il ne faut pas que le devoir souffre de ces bourrasques. Seulement, la Béjart vous demande votre parole de ne rien entreprendre contre l'honneur de sa fille. Mais qui songe à faire insulte à Armande? Elle prétend que vous avez dessein de l'enlever. Moi, dessein? Quel conte! Je le sais bien. La forêt m'a déjà mis au courant de bien des choses. Ici, pendant votre absence, est venu le perfide Pirlon, ce courtier d'imposture et de cafarderie. Oh, vraiment, je le connais. C'est précisément l'original de mon Tartuffe. Dites-moi, qu'a-t-il donc fait? Il est parvenu, par les raffinements de son art diabolique, à tirer de la petite Armande le secret de son amour pour vous. Puis, il est allé raconter tout à la mère et lui a conseillé de ne point mener aujourd'hui sa fille sur le théâtre si elle ne voulait la perdre. Ainsi, ce fourbe se flattait d'arrêter l'ouvrage dont la représentation lui déchire l'âme. Il avait embauché la forêt pour l'attirer à lui. Mais avec un peu de réflexion et à l'aide de mes conseils, cette bonne fille a eu regret de son étourderie et elle vous supplie de la garder. Ah, tout cela m'anime encore plus à jouer mon Tartuffe. Vous verrez sur la scène Pirlon trait pour trait. Il ne me manque qu'une seule chose. Oh, si je pouvais avoir... La forêt serait fille à me faire ce plaisir si elle voulait. Elle a assez d'esprit pour cela. Quelle est donc cette nouvelle idée? Je voudrais me procurer le manteau et le chapeau de Pirlon. Avec une perruque et des moustaches pareilles aux siennes, j'achèverais sa caricature. Ce serait frappant de vérité. Mais le moyen de lui ôter le manteau des épaules et de lui faire déposer son chapeau. Une idée bizarre vient de me passer par la tête et je réponds de tout pourvu que la forêt me seconde adroitement. Je vais l'amadouer, lui faire la leçon et tâcher que Pirlon revienne ici. Le scélérat, grâce à ses manœuvres, le secret de mon amour est dévoilé. Et sans votre assistance, mon cher et prudent ami, nous perdions à la fois notre honneur et nos recettes. Mais Pirlon va être immolé en personne au brocard et au huet du parterre. Je veux me venger en poète comique. Molière sorti, Baron est bientôt en butte aux importunités d'un fâcheux, courtisan, bavard, ignorant qui veut trancher sur tout. Écoutez-le. Où est Molière? Il va rentrer, monsieur. Il n'y a pas moyen de se placer sans la protection de l'auteur. Les loges sont louées, la salle sera pleine. Je voudrais pour ce soir une place sur le théâtre. Nous nous ferons un devoir d'obliger un seigneur aussi aimable. Vraiment, Baron, vous êtes un jeune homme charmant. Vous jouez la comédie comme un ange et vous n'avez aucun des défauts de Molière. Il y a entre lui et moi une petite différence. Je suis un acteur médiocre et Molière est un homme plein de science, un auteur accompli. Molière, un homme plein de science. Molière, un auteur accompli. Vous avez dit là, mon cher baron, une lourde bévue. Il ne sait que charger des caractères déjà forcés. La nature, voilà ce qu'on ne trouve nulle part dans Molière. Vous voulez dire qu'il connaît l'optique de la scène? Réfléchissez, je vous prie, qu'au théâtre, les miniatures ne font point d'effet. Quel diable de sujet trivial et incongru! Quel titre indécent! Le cocu imaginaire! Mon Dieu! Ceux qui ne sont qu'imaginaires devraient se consoler! Mais ils sont rares et les réels en grand nombre! L'école des femmes est une pièce insipide, qui d'ailleurs n'a pas réussi. On sait pourquoi l'école des femmes n'a pas réussi. Le beau sexe a été piqué de voir faire sa critique. Les femmes ont déclaré la guerre à l'auteur qui les blessait et leurs amants ont fait tomber la pièce. Vous verrez, d'un jour à l'autre, Molière couler tout à plat. Scaramouche, ma foi, vaut mieux que lui. Ah, je ne puis souffrir cet indigne parallèle d'un auteur avec un saltimbanque. Il serait plaisant qu'un histrion osât me reprendre. Monsieur, apprenez à ne point mépriser une profession honnête. Je fais rire sur la scène, et vous, dans le monde. Si je prends un bâton... Nous verrons si vous l'osez. Insolent! C'est vous qui l'êtes. Hola! Que diable faites-vous? Il me manque de respect. Monsieur me traite d'histrion. Il défend son Molière. C'est la raison que je défends. En attendant, vous m'avez réveillé par vos cris, tandis que je buvais en songe un muscat. Un muscat délicieux. Chapelle, vous qui êtes un homme de sens et de savoir, dites, peut-on tenir aux pièces de Molière? Sainte bona mixta malis, sainte mala mixta bonis. Oh, le mauvais saute aux yeux, mais le bon où est-il? Repdé rationis. Rationis au génitif? Mais rationnel! Qu'en savez-vous, ignorant faqueur? Je sais! Laissez-le parler. Calmez-vous! Il m'a offensé. Je sais comment arranger l'affaire. Vous en rapportez-vous tous les deux à ma décision? J'y souscris. Moi de même, pourvu que mon honneur n'y soit pas blessé. Suivez-moi, le cabaret n'est pas loin. Allons noyer dans le vin toutes les querelles. Monsieur... Point de réplique. Mais je... L'arrêt est sans appel. Je suis l'homme qu'il faut pour accommoder les différends. Allons, cher comte, allons boire. Et puis vous entendrez la comédie dans ma loge. Je suis à vous. Je ne me promets pas grand plaisir aux sottises accoutumées de Molière. Venez-vous, baron. Monsieur, je vous demande pardon, vous savez que j'ai mon rôle à remplir. Restez. Au surplus, vous n'êtes pas fait pour me tenir tête, le verre à la main. Parbleu, je veux tâcher de griser le comte de la bonne manière. Allons, cher comte. Resté seul, baron voit bientôt arriver Pirlon et Laforêt. Il ne se montre pas. Ici, ici, il n'y a personne. Venez, monsieur Pirlon. L'appartement de nos dames est très éloigné de cette salle. Où est Molière? Un huissier est venu le chercher. Le tribunal le demande. Je crois que c'est au sujet de Tartuffe. C'est un homme perdu. Il n'y va de rien de moins pour lui que des galères ou de la potence. Ça lui apprend à parler mieux des gens de bien. Mais la charité chrétienne, ne vous dit-elle rien pour lui? Un pécheur endurci comme il l'est ne mérite aucune compassion. Mais, mon enfant, que voulez-vous? Un jeune homme est venu me dire que vous me demandiez. Que le ciel récompense votre zèle. Il me tardait de vous apprendre que je suis déjà renvoyée et que je brûle de me rendre chez vous. Fort bien, ma chère. Mais je tremble. Chut. Attendez. Oui. À présent, vous pouvez parler librement. Ma chère fille. Puisque nous sommes seuls, ne nous gênons pas. Asseyez-vous. Le ciel vous tienne en joie. Mais asseyez-vous donc aussi. Oh, je ne prendrai jamais cette liberté. Je le veux. C'est pour vous obéir. Un peu plus près. Je fais ce que vous voulez. Ah, ah, quelle chaleur. Quittez-moi ce chapeau. Comme il vous plaira. Vous avez bien meilleure mine comme cela. Oui. Qu'en pensez-vous? Ne suis-je pas bien conservé? Vous êtes d'une santé, d'une fraîcheur. C'est une grâce que le ciel me fait. Dites-moi, y a-t-il eu du bruit entre la mère et la fille? Toute la journée, ça a été un tapage d'enfer. Qu'avez-vous donc? Je sens, je ne sais quelle chaleur nouvelle. Venez ici. Quittez votre manteau. Non, non. Oh, si, si, si, je le veux. Ah non, non, vous dis-je. Oh, si, vous dis-je. Vous serez mieux. Diable, me voilà engagé. Oh, quelle taille svelte. Savez-vous que vous êtes un homme bien fait? Ah, qui vit avec innocence ne devient pas bossu. Ma belle petite enfant. Oh, j'éprouve avec vous un plaisir. Ciel! On va. Bon Dieu, c'est Molière. Oh, je suis perdu. Je vous cacherai, il l'attend. Venez. Où? Dans ce petit cabinet. Oh, au nom du ciel, ne me trahissez pas. Vite, vite. Me voici. Donnez-moi mon manteau. Je n'ai pas le temps. Mon manteau, mon chapeau. Ils sont serrés dans le coffre. J'en leur ai soin. Entrez, entrez vite. Je meurs de peur. Non, je n'ai vu de ma vie scène plus plaisante. Je n'aurais jamais cru que Laforêt eût tant d'esprit. Oh, tu vois là? Reste-y, vieux cotin d'hypocrite. Toi-même as tendu le piège où tu es tombé. Où l'avez-vous dormi? En bel et bon lieu, sous l'escalier, et j'ai fermé le verrou. Voici le menton et le chapeau du fourbe. Où est monsieur? Il vous attend avec les dépouilles que vous avez conquises. J'y vais. En pleine malice, je ne le cède ni au diable, ni à sa femme. Molière rentre bientôt, habillé en tartuffe avec le manteau et le chapeau de Pirlon, la chevelure et les moustaches semblables aux siennes. Qu'en dites-vous, baron? Suis-je bien? Oh, excellente figure! On ne peut pas une meilleure charge. Voilà Pirlon en personne. Eh bien, que le fourbe reste enfermé dans ce placard jusqu'à ce que ses guenilles aient joué leur rôle sur la scène. Voici le moment de se rendre au théâtre, il est 4 heures. Voyez si ces dames nous font la grâce de se dépêcher et si leur toilette est finie. Vous connaissez les volontés du maître, il entend que le spectacle finisse avant la nuit. Voici la mère et la fille. La colère étincelle dans les yeux de l'une et l'amour dans ceux de l'autre. Molière, je jouerai ce soir et ma fille jouera puisque l'intérêt commun l'exige. Mais si je surprends entre vous un seul regard d'intelligence, la comédie finira, je vous le jure, par une scène tragique. Madame, puisque Dieu, confondant mon espoir, tel qu'un pécheur indigne à vos yeux me fait voir, j'ose implorer de vous le pardon d'un coupable. J'aurai sur le visage un masque impénétrable, et pour ne point d'Agnès admirer les appâts. Jouez-vous la comédie avec moi, monstre que vous êtes! Madame, au nom du ciel, calmez cette colère. Le voilà, cet amour de père que vous disiez devais avoir pour amant. Ah, ma confusion. Traître! Il ne te sera pas difficile de représenter un fourbe. Accablez-moi d'affront. Votre ressentiment sera de mes péchés le juste châtiment. Tu n'as pas besoin, scélérat, d'étudier ton rôle. Tu le sais de longue date. Que le ciel vous pardonne. Et toi, qu'il te confonde. Souffrez que je vous quitte et daignez recevoir le très humble salut d'un homme au désespoir. Prétend-il se jouer de moi? Il ne sait pas ce que peut ma vengeance. C'est pourtant à cause de vous, effronté. Oh, ma mère. Oh, madame, voulez-vous entrer sur la scène en cet état de fureur? De grâce, calmez-vous. Maudit métier! Montrer un visage riant quand on a la mort dans l'âme et déclamer une scène d'amour avec son plus odieux ennemi. Allons, mais j'ai laissé mon rôle sur la table. La forêt! La forêt! Elle n'entend pas. Je vais aller voir. Vous ne sauriez pas le trouver. Restez avec Armande, je reviens dans un moment. Oh. Ne redoutez rien du courroux d'une mère violente. Molière vous adore et fera un jour votre bonheur. Oh, ma patience succombe à tant d'injures répétées. Cette cruelle mère me réduira au désespoir. Elle ne me laisse pas vivre un seul moment en paix. Elle me menace, m'insulte, me bat. Et sa langue ne s'arrête jamais. Je sèche, je me consume de chagrin. Je ne sais plus ce que je fais. Comment se peut-il faire que je plaise sur la scène? Ma chère Armande, ramenez la sérénité dans vos yeux charmants. J'ai songé au moyen de finir vos mots. Molière, au ciel, je me sens défaillir. Doux espoir de ma vie, conservez-moi votre tendresse. Attendez seulement que la cour revienne à Paris. En dépit de votre mère, vous serez mon épouse. Combien faut-il encore attendre? Un mois, tout au plus. Souffrir encore un mois ce que je souffre. Je ne crois pas mon cœur capable d'un tel effort. La pauvre petite est pressée de finir. Ma bonne amie, il ne faut rien précipiter. Ciel, voici ma mère. Allons, mademoiselle. Je vous suis. Tu seras la cause de ma mort. Oh, madame, taisez-vous! Ah, veuille le ciel qu'enfin elles entrent en scène et prennent un air plus serein et plus tranquille, pour que le Tartuffe soit applaudi à tout rompre, que la caisse se remplisse et que l'auteur soit porté au nu. La première représentation de Tartuffe a eu lieu enfin. La forêt aperçoit le valet de Molière qui rentre, tenant dans les mains le manteau et le chapeau de Pierlon qui ont servi à son maître. La servante interpelle le valet. La pièce est finie? Oui. A-t-elle réussi? Par-dessus les toits. Ça a été un déluge d'applaudissements et de bravo de tous les coins de la salle. Aux habits et aux gestes de notre maître, tout le monde, dont Tartuffe, a reconnu Pierlon. C'était une imitation si parfaite, une caricature si juste, que l'on a entendu des gens dire à haute voix « Scélérat Tartuffe, maudit Pierlon !» Oh, quand notre maître est joyeux, je m'en sens. Au lieu que si ses pièces vont mal, il est triste et maussade. Mais que faut-il faire de ce bel attirail? Monsieur veut qu'avant son tour, Pierlon mette le pied hors d'ici. Donne-lui son chapeau et son manteau, et que le fourbe s'en aille à tous les diables. Comment, monsieur, ne garde pas ce costume original? Mais demain, il en fera faire un tout pareil. Allons tirer mon prisonnier de sa cachette. Je vais me tenir derrière la porte pour voir passer le coquin. Ouf! J'en puis plus. Je suis tout brisé. Vous m'avez tenu 4 heures. Plié en deux dans ce réduit. Oh, si vous saviez ce que j'ai souffert pour vous. Vite, vite, prenez votre manteau et votre chapeau. Sortez, sortez avant que monsieur n'entre. Et quoi? Molière n'est donc pas allé en prison? Il achève de jouer Tartuffe. Que dites-vous? Délogez, monsieur, délogez sur le champ. Comment on a joué? S'il vous trouve ici, vous n'en sortirez pas entier. Ils ont joué Tartuffe? Oui, et puisqu'ils vont crever de rage. Je sors. Ces misérables ont donc mis Tartuffe sur la scène. Ah, oh, j'en frissonne de tous mes membres. Il y a un chien de cafard. Vous vous vantez. Je sors, ne m'insultez pas. Oh, allez, allez, allez. La carogne de femme. Allez. Oh, siècle pervers. Si le public a reconnu Pierlon sur la scène, il va être la fable et la risée de tout Paris. Et moi aussi, j'avais été assez sotte pour prêter l'oreille à ses impostures. Que devenais-je si monsieur Baron ne m'eût dévoilé sa noirceur? Comment encore lui? Qu'est-ce que cela veut dire? Que revenez-vous faire ici? Par charité de la forêt, je vous en conjure. Remettez-moi dans ma cachette. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Qu'avez-vous à craindre? À peine la populace m'a-t-elle aperçu qu'elle s'est mise à crier « Pierlon! Pierlon !» Et que puis-je faire pour vous? Souffrez que je rentre dans mon trou jusqu'à la nuit noire. Je me cacherai, je crois, dans un tombeau. Allons donc, est-ce qu'un homme de bien doit avoir peur comme ça? La forêt, voilà 10 écus de cette bourse. Je vous les donne si vous me cachez. Cette nuit, Quand les lumières sont éteintes, quand tout le monde repose, je pars. Et la récompense est à vous. J'ai pitié de votre état. Vite, car je tremble de peur. Entrez dans ce petit cabinet. Là, du moins, je serai mieux. Aurait-il des remords? Conscience troublée s'effraie de tout. Mais voici les deux rivales. Croyez-vous, petite mijaurée, que jusqu'au moindre mot, jusqu'au moindre geste, je ne sache pas tout interpréter? Vous ne pouvez ni parler, ni regarder que je ne vous observe. Chaque fois que Molière passe, ce sont des regards languissants, des roulements odieux, amoureux et tristes. Et puis de temps en temps, il s'échappe de votre belle bouche des soupirs. Oh, oh, des soupirs! On tâche de s'asseoir en face de ce cher tyran, et là, on fait des mines, des contorsions, à faire mal au cœur. Mais continue ce beau manège, je saurais bien y mettre ordre. Oh, ce n'est pas moi que l'on trompe. J'ai l'œil en sentinelle et l'oreille au guet. Puis-je vous dire un seul mot? Que pourrez-vous me dire, petite effrontée? Enfermez-moi dans un couvent pour le reste de mes jours. Je vous enferme dans un couvent. Baliverne! Il faut faire son état et gagner sa vie. Mais si vous avez la soif du mariage, baron, ce me semble, serait pour vous un meilleur parti. Dis, veux-tu que je lui parle? Attendons, qui n'a jamais été marié n'éprouve pas un grand désir de l'être. Insolente! Est-ce une épigramme qui s'adresse à moi? Mais je ne vois pas, madame, à quel propos vous vous fâchez! Allez dans votre appartement, déshabillez-vous et couchez-vous! La forêt, accompagnez-la! Bien, madame! J'attends ici le perfide Molière. Je veux lui parler sans témoin. Je veux qu'il me donne sa parole de renoncer à ma fille ou je m'engage ailleurs avec elle. Molière sentira ce que je vaux quand il ne m'aura plus. Il aura beau faire de bonnes comédies, elles tomberont toutes. Qu'est-ce que sa troupe sans la Béchard? C'est moi qui fais le principal succès de ses ouvrages et l'ingrat me paie de mépris. Oh, quoiqu'ingrat, je l'aime. Je suis encore son ami et s'il me demande pardon, tout est oublié. Le voici. Oh, plaisir divin des auteurs qui réussissent. Douce récompense de mes travaux, de mes veilles. Molière! Oh, de grâce, madame, laissez-moi savourer en paix un moment cette joie vive qui remplit mon âme et à laquelle je suis si peu accoutumé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait de la peine. Mon bonheur en devient plus pur et plus doux. Amis, ennemis, tout s'offre à moi sous un aspect riant et sous des auspices heureux. Ceux qui avaient montré le plus de mépris pour ma pièce aujourd'hui dans le suffrage commun sont les premiers à l'exalter. Tant il est vrai que l'événement incline et fait pencher le peuple mobile comme le souffle des vents fait plier les épis. Molière, je suis heureuse de votre joie car mon cœur n'est pas insensible comme le vôtre. Mais sans troubler l'allégresse qui remplit votre âme et seulement pour soulager mes peines, m'est-il permis au moins de parler? Puisque décidément vous voulez empoisonner mes courts instants de bonheur, il faut bien que je m'y résigne et que je m'explique enfin. Depuis 15 ans que nous sommes unis d'amitié, l'idée de m'épouser ne vous était pas tombée dans l'esprit. Mais aujourd'hui, que je me sens épris de votre fille, vous voilà subitement enflammé. Je ne sais si c'est d'amour ou de jalousie. Vous me laissiez tranquille quand vous étiez jeune et à présent... Courage, épuisez ma patience à vous écouter. J'ai touché là une corde qui résonne toujours aigrement aux oreilles d'une femme. Au fait, que concluez-vous? Ma foi, je vous dirai franchement que c'est parler un peu tard. Un peu tard, pour moi, c'est possible, mais pour Armande, c'est assez tôt. D'abord, je vous déclare que je quitte votre troupe. Nous trouverons des actrices, madame. J'ai regret de vous perdre, mais si cela vous arrange, il faut bien que j'en prenne mon parti. Cependant, accordez-moi d'abord Armande. J'aimerais mieux la tuer de ma main que de vous la donner. La tuer? Quel discours extravagant! Quelle folle menace! Et à la fin, je perds patience! Mais quel est donc l'empire que vous croyez avoir sur votre fille? Et qui vous souffle l'odieux conseil de la tyranniser ainsi? Vous êtes sa mère, il est vrai. Mais le ciel qui vous l'a donnée ne vous a point attribué sur elle une autorité sans limite? Si la fille doit obéir aux volontés d'une bonne mère, la mère ne doit pas imposer à la fille des lois inhumaines. Il est un privilège incontestable que le ciel accorde aux enfants. C'est de ne prendre décidément conseil que d'eux-mêmes dans le choix de leur état. Qu'une mère empêche les travers, le déshonneur de sa fille, cela doit être. Mais une fortune solide, elle ne le peut. La tuer, la tuer, mais quel délire! Songez qu'elle est engagée au service d'un monarque qui sait punir le crime. Que vous le vouliez ou non, cela m'est égal. Votre fille sera ma femme en dépit de vous. Je vous répète que je la tuerai plutôt de mes propres mains. Je suis mère et disposerai de ma fille à ma volonté. Elle sort irritée et hors d'elle-même. Ah, je ne voudrais pas que sa colère insensée cherche à s'assouvir sur l'innocente Armande. Suivons-la de loin, la soirée s'avance. Je me tiendrai dans le voisinage de son appartement. Ah, mon ami, je partage votre triomphe. Vive à jamais l'auteur du Tartuffe! Eh bien, baron, qu'en disent les méchants? Chacun vous rend hommage. et qu'un comte Lasca vienne dire à présent que dans les ouvrages de Molière, on cherche en vain la nature. Je suis inquiet. Permettez que je vous quitte, mon ami. Je reviens tout à l'heure. Je ne suis point encore heureux dans cet heureux jour. La forêt ! J'accours. Dis-moi, que fait Armande ? La pauvre enfant s'est couchée pour obéir à sa mère. Couchée, vraiment ? Je l'ai déshabillée moi-même et l'ai vue se mettre au lit. Et quand la mère est montée, elle a bien crié, n'est-ce pas ? Ne lui a-t-elle rien dit ? La petite dormait ou faisait semblant de dormir. Que fait maintenant la Béjart ? Dans sa colère, elle veut aller aussi se coucher sans souper. Qu'elle se ronge et se consume dans sa jalousie. Donnez-moi de la lumière et le souper tout de suite. Bien, monsieur. Me voilà plus tranquille. Armand est couché et pour le moment, les fureurs de sa mère ne troublent pas son repos. Se peut-il bien qu'un philosophe tel que vous se laisse abattre ainsi par une passion impérieuse ? Mon ami, le doux attrait d'un sexe pour l'autre est profondément empreint dans nous par la nature. Cet attrait se retrouve jusque dans les animaux et dans les plantes. Nous nous aimons nous-mêmes dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous flatte. Et cet amour propre est la source de tous les autres amours. Que chérit-on dans sa femme, dans sa maîtresse ? L'accomplissement de ses désirs, légitime ou non ? Qu'aimons-nous dans nos enfants ? Notre image, nos rejetons, notre gloire. C'est leur sympathie, leur assistance que nous recherchons dans nos parents, dans nos amis. Oui, mon ami, tout amour ici-bas est amour propre. La philosophie l'enseigne et l'expérience nous l'apprend. Voilà, Monsieur Chapelle et le comte Lasca qui viennent ensemble pour vous voir. Faites entrer. Ils viennent critiquer, sans doute. Permis à eux, c'est m'être utile et non me blesser que de me reprendre en face. Vive Molière à jamais ! Vive cette muse admirable qui sait instruire et charmer ! Jamais je n'avais eu trop de plaisir. Molière, je vous le proteste, vous m'avez enchanté. Je vous rends grâce, mon ami. Quel style, quelle noblesse, quelle force dans les passions, quel naturel dans les sentiments. Monsieur, c'est trop de bonté. Je n'ai jamais vu de caractère plus profondément tracé. Ah, on lui dit Pirlon lui-même. Vous me rendez confus. Mais quelle énergie, quelle morale. Je ne connais pas d'ouvrage aussi piquant. Vous me flattez, monsieur. Illustre et grand auteur, maître de la scène et honneur de la France. Je ne sais pas si ces éloges-là partent du cœur. Les ignorants ne gardent point de mesure, ils passent d'un extrême à l'autre. Savez-vous bien, Molière, qu'il y a ici près un cabaret où se trouvent les meilleurs vins que j'ai bu de ma vie? Voilà son style accoutumé. Oui, mais ce vin est un peu brutal. C'est un pauvre buveur que le comte. Et vous, vous êtes un convive sans quartier. Il m'a suivi au théâtre et ne voyait pas son chemin. Nous sommes allés trébuchant jusqu'à ma loge. Arrivé là, tout plein des fumées d'un vin capiteux, nous nous sommes assis. Et le comte a dormi à la comédie 3 bonnes heures. 3 heures. Il a bien entendu la pièce et est en état d'en parler. Et pour moi, j'ai fait ce que j'ai coutume de faire quand je me sens un peu lourd. Je suis allé au dehors respirer un air moins chaud, moins épais. Puis je suis rentré à peu près à la dernière scène et monsieur que voilà, dormait encore. De sorte qu'il n'en a pas perdu un mot. À ce que je vois, l'un n'a fait que dormir, l'autre s'est tenu dehors et cependant vous avez pu juger. Je n'ai besoin que d'entendre le commencement. Et moi, la fin. Et je saisis les choses au vol. Le public vous applaudit et j'en suis ravi. Vos bons mots, vos plaisanteries sont déjà dans toutes les bouches. Il y a un tailleur qui a pris note de toutes les pensées morales de la pièce. Voilà sur quelles autorités leurs jugements se fondent. Et voilà devant quel juge je tremble et suis tout en émoi. Mon ami Molière, après vous avoir admiré sur la scène, nous voulons que vous nous donniez à souper. Chapelle et le comte, ivres, débordent d'affection pour Molière. Ils deviennent encombrants. Hors d'état de rentrer chez eux, Molière donne des ordres pour qu'on les couche dans sa maison. Le voilà débarrassé d'eux. Les malheureux, ils sentent si peu le prix de la vie qu'ils s'encouragent mutuellement à l'abréger dans l'intempérance. Pauvre humanité. Le vin, dit Lucrèce, serpentant dans tous les canaux et dans toutes les fibres, monte à la région des esprits subtils et les surchargeant d'atomes épais et grossiers exalte le cerveau et paralyse les sens. De là vient que la raison, étouffée sous la fumée du vin, ne nous laisse plus voir les objets qu'avec une trompeuse apparence. Hélas, les effets de l'amour ne sont-ils pas les mêmes ? N'est-il pas pour nous, tristes mortels, une source d'emportement ou de larmes ? C'est vous, ma chère Armande. Je me jette à vos pieds, je suis au désespoir. Levez-vous, ma bonne amie. Mais juste ciel, qu'est-il donc arrivé ? Ma mère. Mère impitoyable, je serai vengé. Oppressée par la douleur. Attendez, attendez. Elle n'entrera pas ici, du moins. Poursuivez, chère petite. Oppressée par la douleur, j'étais dans cet état d'anéantissement qui n'est ni le sommeil ni la veille. Et je ne pouvais fermer entièrement les yeux quand ma mère, le visage enflammé, s'approche de mon lit en criant « Songez à être levée demain au point du jour !» À ces mots, elle emporte la lumière et disparaît. Je me trouvais comme quelqu'un qu'un songe pénible réveille en sursaut. Est-ce ma mère, me disais-je, ou quelque fantôme? Je pleurais, je tremblais, je cherchais à expliquer ses paroles. J'étais assaillie de mille soupçons sinistres. Pourquoi me lever demain au point du jour? Pourquoi vient-elle m'en donner l'ordre à cette heure et avec tant de courroux? Oh, demain, les premiers rayons du soleil éclaireront ma perte. Puis je me disais, l'attendrai-je tranquillement dans mon lit? Oh, Molière, mon unique bien, je te perds si je reste. En disant cela, je saute à bas du lit, je m'habille en désordre et j'ouvre la porte, doucement. Ma mère dormait. Je m'avance alors avec timidité, comme un voleur dans les ténèbres, posant un pied et tenant l'autre suspendu jusqu'à la seconde porte qui, par bonheur, était ouverte. Soudain, j'accélère le pas, et d'un saut, je suis au salon. Je tire le verrou, descends précipitamment l'escalier, et j'arrive à votre appartement, où je viens chercher secours et protection. Levez-vous, mon Armande. Mais qu'avez-vous fait, grand Dieu? Songez à votre honneur, au mien. De nuit, une jeune fille à peine vêtue, sans lumière, quittait son lit pendant que sa mère repose. Que voulez-vous qu'on dise d'une démarche aussi hardie? On dira que l'amour a guidé l'épouse de Molière auprès de son mari. Mais nous ne sommes pas encore mariés. Je ne vous quitte pas, que nos serments ne soient reçus par le ciel. C'est l'amour, c'est la crainte de vous perdre qui seule m'a poussée à cette démarche hardie. Si vous connaissez ma faute, vous en connaissez le motif, c'est à vous à sauver ma réputation. Donnez-moi votre main. Et l'anneau conjugal au doigt, je pourrais dire, qu'avez-vous à m'objecter? Molière est mon époux. Événement inattendu, ma chère Armande. Demain, je me charge de remédier à tout. Mais retournez et n'apprêtez point à rire à nos dépens. Pauvre abusée que je suis, non cruelle, vous ne m'aimez pas. Sans doute, à force d'artifice et de séduction, ma mère est parvenue à m'enlever votre cœur et à m'attirer ses mépris. Mais apprenez, barbare, que si je suis trahie par vous que j'adore, je puis bien, après vous avoir donné mon cœur, vous donner encore ma vie. Non, je ne retournerai point auprès de ma mère. Je ne le puis ni ne le veux. J'ai perdu mon repos et mon honneur. Le monde en saura la cause et j'irai où me poussera mon désespoir. Armande, mon bien, Oh, Molière, c'est sur vous que ma mort... N'achevez pas. Soyez sûre que je serai votre époux. Avec le titre d'épouse, aujourd'hui, pour dot, je vous apporte l'honneur. Demain, la honte, si mes folles démarches sont connues et mal interprétées. Oh, que tant de soupirs et de tourments ne soient pas vains. Je n'y résiste plus, mon bien, mon épouse. Voilà ma main. À présent, je suis contente. Que ma mère frémisse et sèche de jalousie. Demain, nous confirmerons ces saints nœuds devant les autels. L'anneau, du moins. Ne me le donnez-vous pas? Oh, de tout mon cœur. Oh, cher époux, qu'il est beau. Mais placez-le vous-même à mon doigt. Oui, recevez de moi ce gage solennel. Que ma mère vienne à présent, je puis braver ses clameurs. Mais il ne convient pas, ma chère Armande, que nous restions seuls ici. Oh, qu'il me sied bien, que je suis fière de le posséder. J'ai quelques amis à souper, une telle scène leur paraîtrait fort ridicule. Entrez dans cette chambre, vous y serez en sûreté. Pourquoi seule dans cette chambre? Je mourrai de peur. La nuit s'avance, je vais envoyer la forêt vous tenir compagnie. Soyez aussi prudente, Armande, que vous êtes honnête. Voici la lumière, j'ouvre, venez. C'est bien à contre-cœur. Oh, traître, que vois-je? Je tombe à vos genoux. Je m'humilie sous ma destinée. Accablez-moi de mépris. Donnez-moi la mort. Ce n'est point une vile crainte, c'est leur pentir, leur mort, la honte qui me précipite à vos pieds. Dans cette obscure nuit où j'étais caché, le ciel m'a éclairé dans un rayon de lumière. Mon danger m'a ouvert les yeux sur ma conduite. Les cris d'un peuple déchaîné contre moi me prouvent combien je suis indigne de la confiance d'autrui. J'ai redouté les sanglants aiguillons de vos vers et j'ai fait mon possible pour dérober au regard du monde le portrait d'un misérable qui, au fond, ne me ressemble que trop. Repentant de mes fautes, je déteste l'usure que j'ai exercée. Je renonce à l'hypocrisie et à toutes les mauvaises pratiques. Je vais me faire connaître au monde pour ce que je suis. Et je vous demande pardon, Molière, de toutes les manœuvres que j'ai ourdies contre vous. Et moi, je vous demande pardon de l'injure que je vous ai faite de jouer Tartuffe avec vos habits. Mais plutôt, je me félicite de mon ouvrage et de ma ruse, si je leur dois votre conversion. Rendons gloire à la vérité. Souvent, le ciel emploie de pareils moyens pour éclairer le cœur des malheureux mortels. Et moi, Monsieur Pirlon, je vous dois des remerciements et non pas des reproches. Votre infidélité est devenue la source du bonheur dont je jouis. Plutôt, le secret de mes feux a été découvert. Plutôt, je suis devenue l'épouse de Molière. Laissez-moi profiter du temps où tout repose dans mon voisinage pour regagner ma maison sans insulte. Je vais vous faire accompagner. Qui frappe à cette porte? Oh mon Dieu! Ma mère s'est aperçue de ma fuite. Oh, mais je ne redoute plus rien. Molière est mon mari. Cet anneau au doigt va la mettre en fureur. Que veux-tu, la forêt? Grand tumulte dans la maison. Madame Béjart court après sa fille. Ciel! Armande est avec vous! Oh, vous n'avez qu'à vous bien tenir! Malheureuse! Quel dessein t'a conduite auprès de Molière? Oh, traître Molière, tu me l'as séduite! Rends-la-moi! Rends-moi ma fille, scélérat! Elle n'est plus à vous. Je te prouverai, perfide, qu'elle est toujours à moi. J'ai contre ta violence le ciel et les tribunaux. Suivez-moi, Armande! Madame, cet anneau me le défend. Je te l'arracherai du doigt! Ah! Oh non, non, non! Suis-moi, effrontée! Respectez-moi, je suis la femme de Molière. Calmez ce courroux, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Je suis l'époux d'Armande et je veille pour sa défense. Je défie qui que ce soit de l'arracher de mes bras. Nous vivrons unis jusqu'au tombeau. Zèle ou colère, je brave votre fureur. Ce qui est lié dans le ciel ne se délie pas sur la terre. Non, je n'y survivrai pas. Molière, âme lâche et sans foi, celle qui t'aima jadis te voue à présent une haine implacable. Et toi, fille ingrate, demeure auprès de ton bien-aimé et puisse le lit conjugal te rendre heureuse comme je le suis moi-même. Je fuis l'aspect odieux d'un traître. Et je vais, pour me venger, me réunir à Scaramouche. Bon voyage. De grâce, modérez cette colère. Madame, la vengeance conseille mal, croyez-moi. Vous vous repentirez un jour d'avoir méconnu le cœur de Molière. Ce fourbe ne savait-il pas de me donner des avis? Mon cher Molière, rien ne manque au bonheur de ce jour. Je vous annonce un nouveau triomphe. Scaramouche, vaincu, vous cède la place. Il quitte Paris avec sa troupe. Le succès éclatant de votre ouvrage le force à la retraite et lui fait abandonner la partie. Ainsi, tout est conjuré contre moi. Le ciel ne veut pas que ma joie soit parfaite. Si vous m'aimez, Armande, suppliez votre mère de mettre le comble à mon bonheur en nous pardonnant. Ma mère, excusez la témérité de votre fille. L'amour seul a pu m'inspirer tant de hardiesse. Je ne me console pas de vous avoir offensée. Et vous pouvez juger de ma douleur par mes larmes. Hélas, vous avez fait tomber sur moi des paroles de colère. Puisse le lit conjugal, avez-vous dit, te rendre heureuse comme je le suis moi-même. Oh ciel, suis-je donc à ce point haïe de ma mère? Ah, que le ciel te bénisse. Je t'embrasse et te pardonne. Vive la bonne mère, vive ma chère Armande. Je serai toujours pour l'une un tendre époux et pour l'autre un sincère ami. Mais le comte et Chapelle, où sont-ils? Vaincus par le sommeil, ils se sont endormis le nom de Molière à la bouche. Ils ne tarissaient pas sur votre éloge, et chaque verre de vin était accompagné d'un hymne à la louange de Molière. Ce qui prouve que dans ces jours heureux, l'homme, de quelque côté que ses yeux s'ouvrent, ne compte que des amis. Oui, ce jour peut s'appeler un heureux jour. Je n'y vois rien de douteux, rien de funeste. Le public m'applaudit, les tartuffes se corrigent. Je gagne des amis et l'amour me couronne. Vous venez d'entendre Molière de Goldoni. Cette pièce, oubliée, quoique pleine de beaux sentiments, fut représentée sous le titre La Maison de Molière à Paris en 1787 avec beaucoup de succès. Voici comment un critique du temps jugeait la pièce. L'idée en est heureuse, l'intrigue bien ourdie, les situations plaisantes, les caractères fortement tracés, sauf celui du fourbe Pirlon qui aurait pu être creusé avec plus de profondeur. Il est fâcheux surtout qu'il se convertisse à la fin. La nature est avare de cette subite extirpation des vices, et je crois surtout que celle de l'hypocrisie est au-dessus de ses forces. On peut revenir à la vertu quand on la méconnaît, jamais quand on s'est joui d'elle. Alors, il n'y a plus d'espoir, car la famille Pirlon est aujourd'hui plus puissante, plus nombreuse et plus florissante que jamais. C'était Pièces oubliées, une émission de Bernard Zimmer présentée par l'auteur, au cours de laquelle vous avez pu entendre Molière de Goldoni. Prêtaient leur concours à cette émission Micheline Boudet, sociétaire de la Comédie-Française, Germaine Montero, Geneviève Morel, Huguette Muller et Jacques Morel, René Clermont, Roger Carles, Jean Ozen, Edmond Beauchamp, Gémon Vital. Bruitage Pierre Léonin, Prise de son, Jean-Just Forgue. Assistant, André Blanc. Réalisation, Henri Soubéran.